Mec, tu veux kiffer mon son, commence par te bourrer la gueule, t'arriveras peut-être à me comprendre. Un agissant, un agissant, un agissant, un gars bête.